express, les bus, les parcobus et même du transport à la demande. Le tramway et son réseau, c'est gagnant pour tous. Visitez jeanbarc.info. Un message de la Ville de Québec. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes à l'écoute de l'Aérospatial, votre magazine radio sur les arts visuels à Québec, sur les ondes de CKRL 89.1. Myriam Leland au micro avec... Et Jean-Tienne Lafrance. Ben oui, avec Jean-Tienne Lafrance pour une autre édition préenregistrée de l'Aérospatial Confinement Safe. Oui, on fait ça sur les internets de manière virtuelle. Puis on peut se regarder quand même dans le blanc des yeux, dans nos écrans. Oui. Pas de et oui, prendre des nouvelles un peu de l'une de l'autre. Et donc ce soir, je vais vous parler du catalogue qui vient avec l'exposition Turner, qui va être présentée par le Musée national des beaux-arts du Québec au moment où Quand les musées auront l'autorisation de rouvrir leurs portes. Mais on a eu un merveilleux service de presse, donc le catalogue Turner et le Sublime, avec des belles reproductions d'œuvres et les textes de l'exposition. Donc, ça fait quand même du bien de pouvoir se laisser porter comme ça par une exposition sur papier. Et toi, Myriam, tu es allée à la rencontre des membres du collectif Marée Mauve. Mais qui sont-elles? Oui, en fait, j'ai rencontré deux membres du collectif. Donc, c'est Sophie Marois et Alice Guéricola-Gagné, à qui j'avais parlé déjà pour son projet La montée des eaux. Puis, en fait, là, on s'entretenait sur leur zine qui est apparue sur le comptoir du Café Saint-Suave. Donc, c'est le zine éponyme qui fait le lancement, justement, du nouveau nom de leur collectif. Donc, on parle de tout ça dans l'entrevue en première partie d'émission. Puis, en deuxième partie, on a une autre belle entrevue que tu nous prépares, Jean-Tienne. Ben oui, je me suis entretenue hier avec Anne-Marie Proulx, Alfia Jonca et Claire Modère, qui sont toutes les trois en résidence aux Îles-de-la-Madeleine, donc avec Anne-Marie, Art Actuel, qui est le centre d'artistes des Îles-de-la-Madeleine, mais également un organisme local, Attention Fragile, qui est un organisme qui travaille pour la cause environnementale sur les îles. Donc, cette résidence à six mains, si on veut, s'appelle Résilience côtière, et les trois artistes étudient et cheminent et font l'expérience des berges des îles de la Madeleine qui sont, on le sait, là, menacées par les éléments. Donc, on va avoir l'occasion d'en discuter en deuxième partie d'émission. Puis, on a une autre belle sélection audio de Simon Roy. L'artiste, c'est un collectif Origami Biro. C'est très calme comme ambiance musicale comparé aux grosses basses qu'on avait la semaine dernière. C'est du multi-instrumental. Il y a des instruments, il y a des... pour parler ainsi des bruits, du bruitage qui est mélangé ensemble puis qui crée vraiment une ambiance sonore assez particulière. C'est assez intéressant. On se laisse tout de suite avec la piste Flicker et au retour de la pause, on se jase du catalogue Turner. ... Vous êtes toujours à l'écoute de l'Aérospatial, le magazine sur les arts visuels à Québec. Myriam Leland au micro et Jean-Thierry La France qui nous parle du catalogue Turner que les coms du Musée national des beaux-arts du Québec ont eu la gentillesse de nous envoyer pour qu'on puisse en parler justement. Jean-Thierry, l'exposition Turner et le sublime qui était supposée, en fait, elle devrait être ouverte en ce moment. Normalement. Oui, mais tout à fait. Confinement oblige. On ne sait pas trop quand est-ce qu'on va pouvoir voir cette exposition-là, mais en attendant, on a un magnifique catalogue pour nous faire patienter. Oui, un très, très beau catalogue que Linda Tremblay nous a gentiment fait parvenir. Linda Tremblay, qui est responsable des relations de presse au Musée national des beaux-arts du Québec. Un format paysage. Donc, c'est-à-dire là, un format à l'horizontale avec une couverture de tissu très texturé. Qui imite un peu l'aspect d'une toile. Oui, dans le fond. Un tissu texturé un peu style canevas. Donc, un aspect quand même très... on vient comme faire un clin d'œil au 19e siècle, l'époque oui, à laquelle vraiment. Turner a été actif. Le catalogue se nomme « Turner et le sublime ». Donc, on ne réinvente pas la roue. c'est le nom de l'exposition. Le sublime est une notion esthétique qui est très rapidement et facilement associée au travail de Turner. Turner, c'est un des maîtres du sublime, on s'entend. Oui, tout à fait. Il a vraiment été au cœur du développement de cette esthétique-là. Et c'est une co-édition du Musée national des beaux-arts du Québec et de Tate à Londres. Donc, on a la majorité des œuvres qui se retrouvent dans cette exposition-là ou dans ce catalogue proviennent de la collection de Tate à Londres. Et on a plusieurs très, très beaux textes pour ce catalogue. Il y a déjà d'entrée de jeu un texte très intéressant qui est une enquête de Daniel Drouin qui est conservateur. Donc, Daniel Drouin, qui est conservateur de l'art ancien au Musée national des beaux-arts du Québec, qui nous présente ce texte qui fait une enquête sur un tableau de Turner qui se retrouve dans la collection du Musée national des beaux-arts du Québec. Donc, une enquête où on retrace de 2002 jusqu'à son origine le chemin qu'a parcouru ce tableau-là, les différents noms, les différents propriétaires, les différents lieux où il a été exposé. Donc, on est vraiment dans une enquête très traditionnelle histoire de l'art, mais qui donne un côté très intriguant aussi oui, au texte. Oui, parce qu'en fait, le musée national, justement, ce sont les collections nationales, donc on n'a pas vraiment d'œuvres internationales, justement, c'est très axé sur les artistes québécois-canadiens. C'est assez étonnant de se retrouver avec un Turner dans la collection nationale. Ben, il faut dire que c'est la faute à Maurice Duplessis, c'est ce qu'on apprend là, d'emblée de jeu. Dans le positif! Oui, c'est ça, Maurice Duplessis n'a pas que fait des choses dommageables pour la population québécoise. Mais donc c'était une œuvre qui faisait partie de la collection de Maurice Duplessis, mais comment elle est arrivée là et donc on peut suivre l'histoire de cette œuvre dans ce texte de quelques pages qui précède les textes de l'exposition. Donc le cœur du catalogue, c'est André Gilbert qui s'est occupé des textes de présentation de l'exposition. Donc on a quelque chose de quand même relativement classique comme division. On y va de manière chronologique avec différents regroupements. D'abord, le premier regroupement, c'est les commencements, donc les débuts de Turner. Ensuite, on a un regroupement autour de la découverte des Alpes et le sublime historique. Donc, on développe vraiment plus autour de cette notion de sublime. Ensuite, un regroupement autour des paysages lacustres. et ensuite la couleur de Venise et en toute fin la mer et le ciel. Donc on a c'est comme semi-thématique, semi-chronologique. On peut voir différentes phases dans dans la pratique de Turner, et les œuvres qui sont représentées dans le catalogue, ils seront exposées, mais qui pourront être disponibles éventuellement dans l'exposition. Ce sont principalement des aquarelles et des huiles. On peut voir là, les différentes expérimentations de l'artiste. Les aquarelles ressortent très, très bien dans ce catalogue-là, puisque c'est une impression qui est mate. Les huiles, ça leur nuise un petit peu plus. Là, on a hâte de les voir en vrai. Oui, ben ça nous met l'eau à la bouche. On a envie d'aller les voir en vrai. On a hâte de pouvoir aller visiter l'exposition. Tout à fait. Nous avons tous très, très hâte. Et en toute fin de catalogue, de très, très courts textes qui amènent des réflexions un peu plus en ce qui a trait au contexte historique. Donc, cette section-là se nomme « Le sublime contemporain ». Oui, donc c'est ce que j'allais dire, justement, des approches peut-être plus contemporaines à la pratique de Turner. Tu mentionnais qu'il y avait un article justement sur le charbon, la pollution urbaine, justement, qu'on voit beaucoup dans les œuvres de Turner, les gros nuages gris, justement. Oui, tout à fait. Donc, on a des textes qui sont autant donc de comment on appréhende Turner aujourd'hui, mais également des contextualisations de l'époque contemporaine du peintre en lui-même. Donc, par exemple, le texte dont tu parlais, c'est Alexandre Blain, donc, qui a écrit un texte qui s'intitule « L'ère du charbon, la pollution industrielle vue par les scientifiques en Grande-Bretagne au 18e et 19e siècle ». Donc, on a ici plus une mise en contexte, un texte plus historique. Donc, c'est des textes qui sont très, très courts. C'est une page, c'est vraiment un article plus scientifique. Là. On a, par exemple, également un texte de Camille Fortin-Dupuis, « Entre défense et exploitation de la nature, l'industrialisation vue par les contemporains de Turner », donc comment c'était perçu l'industrialisation à l'époque. Donc, évidemment, l'Angleterre qui a été là, une des grandes périodes industrielles des premières périodes industrielles au 19e siècle. Et un autre texte, donc « L'expérience du sublime au 21e siècle ». Donc, on revient aujourd'hui. Donc, on a comme contemporain qui va être vu de deux manières. Donc, un texte d'Olivier Diens à propos de l'expérience du sublime de nos jours. Et, bon, évidemment, une biographie en fin de catalogue, ainsi que la description de toutes les œuvres les fiches de toutes les œuvres qui sont représentées. Un très, très beau catalogue, ça sent encore l'encre. Et comme tu le dis, Myriam, mais ça nous donne très envie que les portes des musées réouvrent. Oui, ça nous fait patienter jusque-là, mais on a hâte. Donc, on se laisse pour une courte pause audio avec la piste Sedimental Value. Puis, au retour de la pause, je m'entretiens avec le collectif Marimauve. Vous êtes de retour à l'Aérospatiale, votre magazine sur les arts visuels à Québec. On vient d'entendre une petite pause audio et Gentiane qui nous parlait du catalogue de Turner. Et avec moi, j'ai Sophie Marois et Alice Guéricola-Gagné pour nous parler du zine éponyme du collectif Marimauve. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec moi ce soir en Zoom. Vous savez, c'est un autre épisode de l'aérospatiale pré-enregistré pro-confinement. Les filles, ce soir, j'avais envie de vous parler parce que vous avez sorti sorti il y a quelques jours, en fait, c'est sorti le 21 octobre, un petit zine éponyme, donc qui s'intitule Marée Mauve, du même nom que votre collectif, qui est en fait le comité femmes de l'Université Laval, mais qui a été renommé. Sophie Marois, t'as pas participé au... Ben, t'as participé, mais t'es pas une des personnes qui a créé le contenu pour le zine, mais par contre, t'es impliquée dans le collectif et t'as été impliquée dans l'élaboration de ce zine-là. Peux-tu me parler un petit peu plus de qu'est-ce que c'est le collectif Marée Mauve? Oui, donc merci de nous recevoir. En fait, on a décidé de faire ce zine-là quand on a décidé de renommer le collectif, en fait. Donc, en 2015, on était quelques-unes à être arrivées à l'Université Laval. On voulait s'impliquer dans des milieux féministes, mais on n'avait pas nécessairement trouvé l'organisation qui nous rejoignait. Donc, c'est là qu'on avait mis sur pied le comité femmes U Laval. Puis, à mesure que le temps a passé, que les personnes qui s'impliquaient ont changé et tout, le fait d'appeler le comité femmes a commencé à poser problème parce qu'il y avait notamment des personnes non-binaires qui s'y impliquaient, des personnes qui queer. Donc, on a eu une grande réflexion à l'automne dernier sur comment renommer notre collectif. Et c'est là qu'on a commencé à réfléchir au mari, à la couleur mauve, à la force que ça avait. Et là, dans le contexte de renommer notre organisation, on s'est dit, ben, pourquoi pas faire un lancement avec un zine où on allait pouvoir avoir des contributions qui allaient venir nous aider à définir ça allait être quoi la substance de ce nouveau comité-là, en fait. Mais merci, c'est vraiment une belle introduction au collectif, justement, que j'avais découvert sur les réseaux sociaux, mais là, qui m'est revenu en tête en faisant une petite visite au café, ben, à la librairie Café Saint-Suave, parce que c'est là que les 30 premières copies d'usine sont disponibles gratuitement. Puis ça attire l'œil, on n'a pas le choix de le voir quand on est au comptoir du café. Il y a une magnifique œuvre de l'artiste Joe Leblanc qui est en couverture, qui est littéralement une marée mauve. C'est vraiment magnifique, on voit des belles craquelures blanches, la peinture mauve, une ligne dorée aussi. Ça donne vraiment le ton, je trouve, pour le zine, justement. Puis quand on tourne les pages, ben, on retrouve d'autres œuvres dans le même ton que l'œuvre en couverture, justement. C'est un zine ben, fidèle à cette culture-là, en fait, parce que c'est toute une culture, une contre-culture, le zine. On voit un beau mélange de littérature, poésie, art visuel aussi, illustration beaucoup. D'ailleurs, côté littérature, ben, Alice, on s'était parlé justement plus tôt cet automne par rapport à ton projet « La montée des eaux », où justement tu mêlais beaucoup les arts visuels, les arts de la scène et la littérature. Et là, tu contribues justement avec un texte dans ce zine-là. Peux-tu nous parler un petit peu de comment ce texte-là est venu ben, à ta plume? En fait, est-ce que c'était écrit spécifiquement pour le zine? Oui. En fait, ça faisait longtemps que c'était un texte qui était en gestation parce que je voyais 2020 arriver, puis là, c'était une nouvelle décennie qui commençait, puis je me demandais un peu comment j'avais envie d'ouvrir cette décennie-là. Et c'est comme ça, c'est ça qui a constitué le départ de ce texte-là. Puis par la suite, Sophie m'a justement proposé d'écrire quelque chose pour le fanzine des Marées Mauves, puis je me suis dit, ah, ben tiens, ça pourrait bien fonctionner, étant donné que c'est un fanzine qui va sortir en 2020, puis que j'avais envie de prendre aussi ce motif de la marée comme souhait pour 2020 et la décennie qui s'ouvrait. Donc, ça a été comme ça que j'ai commencé à écrire le texte. Puis par la suite, je me suis retrouvée impliquée moi aussi dans l'organisation, puis un peu plus le comité éditorial. Et donc, j'ai été un peu dans les deux positions à la fois. Effectivement, j'ai soumis une contribution, mais j'ai aussi aidé pour l'édition des autres personnes, puis la mise en zine. Oui, la mise en zine, j'aime cette expression. C'est vraiment un texte magnifique, puis tu dis que justement, tu voyais 2020 arriver. Je ne sais pas si tu as continué à l'écrire au début 2020, mais je trouve que c'était presque prémonitoire, en tout cas, si tu n'as pas... écrit ça à la lumière de tout ce qui se passe. Je vais juste lire les premières lignes. Que les marées montent, que les marées mauves mouvantes sur les gris gratte-ciel grimaces, avec tous les mouvements qu'on a eu, Black Lives Matter, les deuxièmes vagues de dénonciation, tous les mouvements justement contre la brutalité policière, le fascisme, tout ça. Je trouve que c'est tellement, c'est assez puissant comme entrée en matière, là, niveau littérature. Donc, c'est le texte qui suit tout de suite après les œuvres de Joe Leblanc. On a aussi plusieurs illustrations. J'ai un petit coup de cœur pour les Arrimés avec leurs belles illustrations. C'est un peu comme des patchs. La première qu'on voit, c'est Déguste mon clito comme une fraise bio. Magnifique, avec une belle petite illustration de fraises rouges. Donc, Alice, tu parlais justement avoir fait une soumission. Donc, est-ce que c'est comme ça que ça fonctionnait pour le zine? C'était des personnes internes ou externes au collectif qui faisaient des soumissions pour spécifiquement ce contenu-là? En fait, on a fait un appel à contribution. Okay. Qui est passé aussi par notre page Facebook, mais aussi par notre réseau. Donc, là, comme tu peux voir, Alice et moi, on habite ensemble. Donc, c'est ça. On en a longuement parlé et tout. Alice était déjà familière, assez proche du collectif. Mais on a aussi fait cet appel pour aller chercher des personnes qu'on ne connaîtrait pas nécessairement. Et c'est là qu'on a fait la rencontre d'artistes, contributrices, contributeurs qui nous ont vraiment impressionnés. Puis qui font en sorte qu'il y a une cohérence dans le zine, mais il y a aussi ce côté un peu éclaté où les gens ne se sont pas nécessairement concertés dans leur création, mais tout de même, un espèce de fil conducteur se dégage. Oui. Donc, c'est un peu le petit miracle de l'hiver qui... c'est vraiment joli comme manière de le voir, mais c'est vrai, c'est justement l'expression que j'allais utiliser, le fil conducteur, parce qu'on sent vraiment l'individualité de chaque contributeur, contributrice, chaque personne ayant contribué, mais on sent quand même que justement ce sentiment d'unité-là, vous le décrivez comme une bonne dose de love and rage féministe par cet automne pluvieux, c'est vraiment ça. Je disais en vous écrivant aujourd'hui, justement, c'est parfait à déguster avec son café au Saint-Suave. Ça vaut vraiment la peine d'aller se le procurer. D'ailleurs, donc, comme je disais, les 30 premières copies sont disponibles gratuitement au Saint-Suave. Puis par la suite, elles vont y être vendues, donc au même endroit, à faible coût. Puis les profits amassés vont permettre de contribuer à la pérennité du Saint-Sauve, qui est un lieu de rencontre et de diffusion culturelle inclusif à Québec. Donc, c'est une librairie, un café. Mais c'est sûr que c'était avant le confinement, parce que là, malheureusement, les salles à manger sont fermées. Mais il y a souvent des activités, des visionnements, des soirées poésie, tout ça. Puis c'est tout simplement un safe space, justement, pour la communauté, la diversité, en fait. Que ce soit la communauté queer, diversité culturelle, peu importe. J'aimerais mentionner les artistes qui sont dans le zine, justement. Donc, on a Alice, bien sûr, que j'ai déjà nommée, qui nous parle ce soir. Alicia Dufour, qui écrit un texte. Camille Guéret, qui est plus côté illustration. Cléo Mathieu, illustration également. Héloïse Breuil, qui fait un petit mélange des deux, illustration et poésie. Joe Leblanc, que j'ai mentionné au début, justement, avec ses belles peintures magnifiques de marée mauve. Les Arrimins avec leurs illustrations. On a Maric qui nous signe une petite fiction érotique aussi qui est très plaisante à lire. Puis, on a une contribution anonyme également. Il y a un trigger et un content warning. J'aime mieux le dire avant que les gens se procurent le zine. Donc, c'est à la fin complètement du zine. C'est le dernier texte. Ça parle des agressions sexuelles et du climat, justement, de culture du viol dans le milieu militant. Ça pose des belles réflexions. Donc, il y a vraiment une belle variété de choses qu'on peut voir dans ce zine-là. Peut-être on pourrait finir là-dessus. En fait, justement, on parlait de la culture du zine qui est repris beaucoup par les milieux militants. Justement, c'est quelque chose qu'on voyait beaucoup dans les années 90, début 2000, là, qui refait surface. tu en as parlé un petit peu, Sophie, tantôt, que justement, vous trouviez que c'était une belle manière de lancer le collectif. Est-ce que, justement, il y a cette influence-là de la culture du zine, un peu l'indépendance, l'autonomie que ça amène, qui vous a influencé à choisir cet outil de diffusion-là? C'est une grosse question. Hein? Mais, c'est un outil avec lequel Alice travaillait déjà, donc je vais peut-être la laisser développer un peu. Oui. Ben, c'est sûr que pour moi, le zine, c'est vraiment une manière exceptionnelle de rejoindre des gens parce que j'ai un amour tout particulier pour les choses qui sont tangibles, qu'on peut trouver par hasard. Donc, le fait que quelqu'un puisse aller au Saint-Suave, puisse aller dans la rue, puisse le trouver, comme notre intervieweuse aujourd'hui. Ouais. Voilà, c'est exceptionnel. Donc, c'est sûr que ça a un cachet particulier que les choses sur les écrans n'ont pas toujours. Puis, effectivement, ça s'inscrit dans toute une culture de l'underground qui est intéressante aussi. Oui, bien, puis ce que j'ai trouvé particulièrement agréable aussi, bien, c'est sûr que tomber dessus par hasard, c'est un beau hasard, mais en période de confinement, justement, au niveau des événements de lancement, bien, c'est plus difficile à faire. Puis même, juste à penser aux personnes à mobilité réduite, les personnes qui font de l'anxiété sociale, des choses comme ça, c'est des événements qui sont plus difficiles à approcher, alors que le zine, bien, c'est accessible à beaucoup de personnes aussi de cette manière-là. Mais c'est vraiment un très beau projet, je vais le redire, j'ai été tellement heureuse de tomber là-dessus, je voulais absolument en parler à l'émission ce soir. Donc, merci Sophie Marois et Alice Viricola-Gagné. Merci beaucoup. Puis, au plaisir de reparler de peut-être un autre projet de Marée Mauve dans le futur. Nous, on se laisse pour une courte pause publicitaire et au retour de la pause, c'est Gentiane qui parle de la résidence Résilience Côtière. CKRL 89.1. CKRL, c'est la culture artistique, musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. L'Ampli Québec, Association canadienne pour la santé mentale, filiale de Québec. Édition Continuité, Alliance Arc-en-Ciel de Québec, La Baratte. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Choisir ÉricLamirande.ca, c'est miser sur l'expertise de Éric Lamirande ainsi que sur son équipe de collaborateurs professionnels. On vous offre des services de consultation, accompagnement et formation dans les domaines suivants: marketing web et réseaux sociaux, commerce électronique, virage numérique et outils technologiques d'affaires. Pour les travailleurs autonomes, les petites entreprises, les organismes et l'économie sociale. Notre but, vous aider à avancer et vous rendre plus autonome. Contactez-nous au 88 454 1019 ou à ericlamirande.ca. Éclatez-vous avec le clap à la maison. Profitez de notre service de cueillette au clap de Loretteville et de Place Sainte-Foy et dégustez le meilleur maïs éclaté à la maison. Passez votre commande au resto.cinemaleclap.ca. Audiolite, amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact cinéma maison. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. Audiolite.qc.ca. Optez pour un mode de consommation responsable tout en encourageant l'économie locale. C'est ce que vous propose la brasserie artisanale La Korrigane et les boutiques La Récolte. Pour tout achat de 20$ et plus dans l'une des deux boutiques La Récolte, vous recevrez un jeton de 2$ valable pour un cruchon d'un litre de bière à La Korrigane. Et parce que nous aimons bien faire les choses, même nos jetons sont fabriqués de façon éco-responsable, à partir de filets de pêche qui auraient autrement fini à la poubelle. La Korrigane, 380 rue Dorchester. Alerte rouge. La propagation de la COVID-19 est à un niveau critique dans votre région ou une région à proximité. Les rencontres d'amis ou de famille sont interdites et les déplacements vers d'autres régions sont non recommandés. Des mesures plus restrictives et ciblées ont été mises en place pour freiner la propagation et éviter un reconfinement. Informez-vous sur québec.ca/coronavirus. Continuez de vous laver les mains, de garder une distance de 2 mètres et de porter un masque lorsque la distanciation physique n'est pas possible. On doit réagir maintenant. Un message du gouvernement du Québec. Nous sommes à l'aérospatiale, j'entends la France avec vous et j'ai, au bout des câbles qui se rendent jusqu'aux îles de la Madeleine, avec moi, Anne-Marie Proulx, bonjour. Allô. Claire Meder, bonjour. Allô, Rosanne. Et Alfia Jonca, bonjour. Salut. Donc, toutes les trois, vous effectuez actuellement une résidence aux îles de la Madeleine, une résidence qui se nomme Résilience côtière et qui se déroule du 11 au 31 octobre. Une résidence qui consiste principalement à faire des publications alliant texte et photographie sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Je me trompe, c'est à peu près ça le cadre de la résidence? Bien, en fait, c'est pas quelque chose qui était déterminé à l'avance là, comme méthode de travail ou de publication. Puis c'est vraiment, en fait, naturellement que chacune, à tous les jours, on s'est mise à partager un texte puis une image là, sur nos réseaux. Fait qu'on a décidé de garder ce processus de partage-là. Et merci Alfia. Et cette résidence-là est une résidence qui est coordonnée à la fois par Anne-Marie en collaboration avec l'organisme Attention Fragile et la municipalité des îles de la Madeleine. Alfia, est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi consiste cet organisme-là, Attention Fragile, et qu'est-ce qu'il vient faire dans l'accueil de la résidence? Oui, ben en fait, c'est un des organismes aux îles qui travaille en environnement. Dans le cas de ce projet-ci, ce qui nous intéressait particulièrement, c'est leurs interventions là, en milieu dunaire ou en milieu d'érosion là, où le territoire est assez fragilisé. Donc, Anne-Marie les a approchés pour collaborer avec nous pour nous apporter un regard puis une expertise un peu plus scientifique à ce projet-là. Puis, en fait, c'est ça. Pour l'instant, on a fait 2 sorties de terrain avec eux. Donc, on voit un peu en quoi consiste là, leur travail, leur intervention. On discute, on découvre le vocabulaire qui accompagne là, leur travail. Puis, ça nous inspire beaucoup, en fait, là, de discuter avec eux. Et on parle de vocabulaire. Dans les textes que vous écrivez et vous publiez dans le cadre de cette résidence-là, Résilience côtière, on en retrouve des vocabulaires qui sont associés aux rives, qui sont associés au vent, qui sont associés à la mer, à la géologie. Claire Meder, est-ce que tu peux nous dire un peu quels éléments de vocabulaire qui sont venus nourrir ces pratiques littéraires-là que vous entretenez? En fait, j'ai plus l'impression que ça serait des éléments naturels qui viennent nous nourrir. On n'est pas parti avec des dictionnaires dans les poches, quoique le vocabulaire spécifique Madino est aussi une petite trame de fond qu'on découvre et qu'on insère à l'occasion. Mais on est vraiment très marqué et inspiré par le contexte très concret des lieux, la géographie, des sensations physiques en tant qu'humain, en tant qu'humaine qu'on peut ressentir sur place, puis nécessairement qui va passer par les éléments naturels qui sont, je dirais, amplifiés aux îles, puisqu'en plus on se situe dans une période d'automne qui est actuellement une période de tempête, donc avec une grande présence du vent, des hautes marées, et d'éléments d'érosion en fait qui peuvent être constatés aussi dans ce contexte aussi. Donc on n'est pas parti tant d'un volet littéraire, je pense, que d'un volet vraiment expérimental et expérientiel, physique, très sensible en fait, très concret. Et l'expérience que vous faites au quotidien, vous faites des sorties ensemble toutes les trois au quotidien, vous cherchez à prendre contact avec la nature de différentes manières. J'ai l'impression, on le voit beaucoup dans les photographies. Vous vous inspirez un peu de cette expérience-là pour écrire, comme tu l'expliquais, Claire. On a comme l'impression que vous cherchez à avoir comme un rapport un peu fusionnel en tant qu'être humain les trois ensemble et avec la nature. Est-ce que je me trompe, Anne-Marie? Non, tu te trompes pas du tout, en fait. Mais même, c'est la raison pour laquelle on était jumelés ensemble, toutes les trois, à la base, on est trois personnes qui sommes sensibles aux images, qui sommes sensibles au texte et aussi au territoire. Donc, c'est pourquoi le Anne-Marie nous a proposé de travailler toutes les trois ensemble parce qu'il y a une affinité qui est déjà là entre nous. Puis, dans le fond, quand on a débuté la résidence, on voulait pas justement savoir qu'est-ce qui allait se passer d'avance. Comme disait Alfia tout à l'heure, le fait de publier à tous les jours, ce n'était pas prévu. C'est vraiment quelque chose qui est né du fait qu'on s'est retrouvés dans des mêmes lieux ensemble. Puis on a observé les éléments qui nous entouraient. On a entendu les histoires de différentes personnes qui nous ont parlé du territoire, des enjeux de résilience côtière. Puis, nous, ça nous permet de se fusionner entre nous, que nos textes, nos images se parlent, puis qu'elles parlent aussi avec le territoire sur lequel on est, puis avec lequel on est aussi en conversation. Et dans les textes, on voit beaucoup de phrases qui sont adressées au « elle », au « tu », et ça s'interchange, ça peut être l'une et l'autre, ça peut être les « ils », donc les c'est comme une espèce de jeu d'interlocuteur, si on veut, de dialogue en quelque sorte. Il y a vraiment quelque chose aussi qu'on laisse vraiment flottant, mais qui est dans l'idée de cette mise en commun ou de ce partage. Puis, comme tu parlais de fusion, ben c'est sûr que nous, on est trois entités pensantes ou écrivantes et photographiantes. Mais il y a aussi les environnements qui sont les éléments proches et lointains qui deviennent aussi des personnes puis des personnalités qui nous imprègnent et les personnes qu'on rencontre finalement. C'était un petit peu les deux axes qu'on avait au départ. On savait qu'on allait rencontrer des personnes, donc de l'organisme Attention Fragile, mais aussi dans la communauté des îles, puisque c'est vraiment une résidence qui permet une immersion dans un milieu spécifique, puis local, en contexte de pandémie quand même, mais à l'extérieur. Donc, on a quand même cette chance-là de pouvoir interagir. Et puis la présence des éléments, effectivement, Anne-Marie, c'est quelqu'un qui travaille déjà beaucoup avec l'idée du vent comme un interlocuteur privilégié. Alfia est une artiste de tempête, donc on avait déjà beaucoup ces éléments-là qui apparaissent. Puis moi, je réside au bord de la mer depuis maintenant plusieurs années, donc on avait déjà des histoires, des rencontres en fait qui avaient été faites, mais qui permettaient de créer d'un coup un grand banquet, une grande tablée entre nous toutes et nous tous ici. Puis c'est pour ça que l'exercice aussi peut-être plus spontané d'écrire à tous les jours nous permet de changer d'interlocuteur, chose qu'on ne ferait pas si on était dans un projet de roman par exemple. Et dans toutes les trois, il y a Alfia qui est originaire des îles, et est-ce que tu sens un peu que ton rôle dans cette triade, c'est un rôle d'accueil, de guide? Est-ce que tu proposes des endroits où aller que tu connais, que les autres ne connaissent pas? Ou comment ça fonctionne ton rôle au sein de cette triade-là? Je dirais que ça se fait assez naturellement. Soit Claire et Anne-Marie sont toutes les deux déjà venues aux îles. Donc, c'est assez spontanément qu'à chaque jour, on décide où on va selon la météo, selon les types de paysages qu'on a envie de voir. C'est sûr qu'il y a quelques endroits que moi, j'ai choisi, les connaissants ou les aimants, que j'ai eu envie de leur présenter. Mais j'avoue que ces paysages-là, faisant partie de mon quotidien toujours, c'est comme nouveau pour moi, c'est le regard que j'ai à travers le regard d'Anne-Marie et Claire. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, en fait, là, qui me nourrit puis qui me permet de redécouvrir le territoire que je connais déjà très bien. Puis c'est un peu une façon pour moi de renouveler toujours mon intérêt pour lui puis de toujours faire des découvertes. De redécouvrir le territoire, c'est le cas pour toutes les trois au travers de ce projet-là. De redécouvrir également des personnes que vous avez rencontrées aux Îles-de-la-Madeleine qui vous ont marquées de certaines manières. Là, je pense à Égide et Rachel qui ont participé au projet, qui vous ont accueilli sur leur terrain. Donc, en quoi a consisté cette rencontre-là avec Égide et Rachel? Anne-Marie. Oui, En fait, c'est que il y a quelques années, moi j'étais venue aux îles de passage pour le projet Le Chant des Pistes. Caroline Loncol-Daigneault, qui était commissaire de ce projet-là, m'avait jumelée avec Égide Leblanc pour un projet parce que j'avais travaillé. C'était un projet que j'avais fait autour des roches. Puis Égide étant un géologue, Caroline avait vu la possibilité qu'il y ait un échange intéressant entre lui et moi, puis c'est pas trompé. loin de s'être trompé, ça a été vraiment une belle rencontre où on a vraiment appris chacun de la vision de chacun et chacune de ce que sont les roches. Moi, ça l'a énormément nourri mon projet de création, puis lui, je pense que ça l'a amené à voir les roches autrement, de rencontrer ma façon de les comprendre, puis de les traiter dans mon travail artistique. Puis, en revenant aux îles, j'avais envie de revoir Égide, puis de continuer la conversation qu'on avait entamée. Puis, dans le fond, plutôt que d'aller le voir toute seule, je proposais à Alfia et Claire qu'on retourne le voir toutes les trois, étant donné que avec ses connaissances en géologie, son rapport au territoire aussi, il pouvait aussi nous amener différentes réflexions qui pouvaient nourrir notre projet là, autour de la résilience côtière. Puis on lui a proposé en fait de nous présenter ce qu'il avait envie de nous présenter, de nous amener là où il voulait. Puis c'est lui qui nous a invités à le rejoindre sur son terrain. Où il vit depuis qu'il est tout petit, puis de nous parler de l'érosion de l'île de la Pointe-aux-Loups, d'une connaissance personnelle là, intime de comment il a pu vivre le phénomène de l'érosion. Et ce projet-là, Résilience côtière, je le rappelle, une approche photographique et une approche littéraire qui se rencontrent. Claire Modard, je sais que l'écriture collaborative fait beaucoup partie de ta pratique. Est-ce que c'est quelque chose que vous appliquez dans la création littéraire dans ce projet-là, ou vous écrivez plutôt chacune de votre côté? Pour l'instant, les voix sont effectivement singulières, puis on les distingue encore. Donc, on fait des publications en notre nom. Il n'y a pas de texte collectif qui a émergé. On est quand même dans une recherche et une expérimentation journalière qui est sur une période de 3 semaines, qui peut paraître longue, mais qui passe très vite aussi. Et rien ne nous empêcherait, en fait, à part peut-être le temps, mais de mener plus loin ça. Après, la mise en commun, elle se fait beaucoup dans la partie invisible aussi du projet, c'est-à-dire nos échanges, nos conversations, notre ressenti, le commun du temps partagé aussi, qui est très très fort, puis notre écoute, puisque en allant dans les mêmes lieux, en rencontrant les mêmes personnes, on reçoit différemment, mais on reçoit aussi un bagage commun qui vient nous nourrir. Il y a beaucoup d'intersections puis de croisements qui vont venir naturellement en fait se placer sans qu'on l'ait prémédité, sans qu'on ait mis d'intention d'écrire ensemble ou de faire un texte à 4 mains. Donc je dirais que la collaboration, elle se passe vraiment sur quelque chose qui est conversationnel puis relationnel. Il ressent sans doute peut-être des textes aussi qui pourraient venir se mélanger, ou un travail éditorial qui pourrait se faire dans ce sens-là. Mais pour l'instant, notre processus, en tout cas, il reste d'individualiser chaque texte. Mais qui sait ce que l'avenir nous réserve. Il nous reste une semaine actuellement pour la résidence. Puis il y aura sans doute des suites aussi, parce que ces résidences-là, elles sont conçues par les organismes pour permettre aussi des espaces de rencontre puis d'échange qui permettent des suites, en fait, des collaborations à long terme. Et est-ce que vous avez déjà une idée de qu'est-ce que cette suite ou ces suites, ce à quoi ça pourrait ressembler, Alfia? Je pense que tout est encore à déterminer, à confirmer aussi là, auprès d'Anne-Marie, voir si la collaboration se continue entre nous trois ou avec Anne-Marie également. Je pense que l'idée peut-être de rejoindre les textes et les images dans une publication pourrait éventuellement être intéressante, mais c'est ça, c'est encore à confirmer. Bien, Oui. Mais on a aussi parlé de rejoindre nos textes puis nos images dans une forme de géographie aussi. C'est quelque chose qui a animé nos réflexions là, par rapport à comment on pourrait joindre nos textes. Là, c'est sûr que depuis qu'on est ici, elles sont placées en ordre chronologique parce qu'on y va avec le jour 1, le jour 2, le jour 3, ainsi de suite. Mais éventuellement, on aimerait peut-être les penser autrement, les mettre en relation autrement. Puis on a pensé le faire peut-être plus sur le mode de la géographie plutôt que sur un mode temporel. Donc, on est très hâte de voir qu'est-ce qui va se concrétiser suite à cette résidence-là, Résilience côtière, qui se tient aux Îles-de-la-Madeleine du 11 au 31 octobre. Merci beaucoup à toutes les trois, Claire Modère, Anne-Marie Proulx et Alfia Jonca, pour cette belle entrevue. Merci. Merci. Merci. Bonne journée. Alors, c'était la pièce Ballerina Platform Shoes, Set in Sand Remix. Et nous sommes toujours à l'aérospatiale sur les ondes de CKRL. Et pour la fin de l'émission, Myriam, c'est notre traditionnel agenda de la semaine qui, avec le semi-confinement, est à chaque semaine un peu plus mince. Mais on peut trouver quand même des activités. Il y a la galerie L'Artichaut qui présente l'exposition « Solitude affranchie » de Daniel Dupont. Donc, c'est une exposition qui est présentée du 14 octobre au 7 novembre, mais l'artiste va être présente samedi le 7 novembre de 14h à 16h pour un finissage d'exposition. Donc, une belle occasion d'aller rencontrer cet artiste et en savoir un peu plus sur son travail. Et on a trouvé également un événement en ligne. Bon, c'est pas si lié que ça avec le milieu des arts visuels de la Ville de Québec, mais c'est un événement que qu'on trouvait... Les gens de la Ville de Québec peuvent avoir accès via les internets. C'est ça. C'est une rencontre virtuelle avec l'artiste Nadia Mir. C'est organisé par le Centre culturel canadien, donc qui est un organisme qui est situé à Paris, hein? Rien de moins. On est international à l'air. Oui, c'est ça. Donc, ça va être jeudi le 29 octobre de 16h à 17h. Et ben, en fait, Nadia Mir va être en direct de son atelier et elle va parler là, de sa pratique, évidemment, mais plus particulièrement de la création de Tree of Shifting Forms, donc une œuvre qui va qui occupe la cour de l'ambassade du Canada en France et qui a été créée en 2018, donc lorsque le nouveau bâtiment qui abrite le Centre culturel canadien a été inauguré, donc une belle occasion de découvrir ou d'en savoir plus sur cet artiste autochtone qui est installée à Montréal. Oui, ben c'est ainsi que se termine cette édition de l'aérospatiale. Comme à chaque semaine, vous pouvez rattraper l'émission en balado-diffusion sur notre page web l'aérospatiale.ckrl.wordpress.com. C'est aussi le meilleur moyen de savoir ce qui se passe dans l'actualité des arts visuels à Québec, puisqu'on y garde un calendrier le plus à jour possible. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook et sur Instagram. Un grand merci à Sophie Marois et Alice Guiricola-Gagné du collectif Marée Mauve. Et merci à Anne-Marie Proux, Alfia Jonca et Claire Modère qui nous ont parlé en direct des îles de la Madeleine de leur beau projet Résilience côtière. Merci à toi, Myriam Leland, pour cette co-animation. Merci à toi, Gentiane Lafrance. Toujours un plaisir, même si c'est à travers un écran. Et un salut spécial, comme à chaque semaine, à notre tonneur, tiens, de la mise en onde qu'on a hâte de retrouver en studio, comme toujours, Jacques Gignac. On se laisse sur une autre pause audio et on se dit à la semaine prochaine. Animal.